L'étoile filante par André Lichtenberger. Chapitre 1er. À travers l'immense vaisseau de l'opéra, les paroles ardentes, portées sur l'aile des rythmes, s'élançaient glorieusement, emplissant la nef de leur fracas sonore, faisaient tressaillir les cœurs comme des appels de l'au-delà. Quelques secondes, sur le tréteau chamarré, le public ne voyait plus le maquillage de la quadragénaire osseuse et le bel âtre trop gras à la voix insexuée. Mais par leurs bouches indignes, c'était le chant éternel de l'amour qui, tour à tour, murmurait ou suppliait, s'éteignait dans une plainte, renaissait, menaçait avec un hurlement, triomphait dans un tonnerre d'apothéose. Immobile, accoudée sur le velours, la tête un peu penchée, Gisèle s'abandonnait tout entière. Elle avait oublié les deux ou trois femmes qui partageaient sa loge et les habits noirs qui se serraient derrière elle. Son âme impressionnable et délicate s'envolait dans la splendeur de ce duo d'amour. Et quand, après le crescendo final, il s'éteignit brusquement, elle se réveilla pantelante d'un rêve inexprimable. Vaguement, elle sourit sans l'entendre à l'observation niaise de sa voisine. Et les applaudissements bêtes de la foule des snobs l'irritèrent en silence. L'orchestre reprenait une sorte de marche cadencée et bruyante. Après quelques secondes de génie, le musicien retombait dans la banalité coutumière. Mécontente, Gisèle ne voulut pas perdre aussitôt le charme qui l'imprégnait encore. Et pour ne pas entendre ce bruit médiocre, elle promena son regard sur le public multicolore, parcourant les toilettes éclatantes, les soies, les velours et les fourrures, les poitrines décolletées, le scintillement des pierreries. Et comme toujours, le spectacle de cette salle de luxe, de ce parterre des plus riches fleurs de Paris, l'émut agréablement. Et, très femme, elle ne vit pas sans plaisir beaucoup de lorgnettes dirigées vers sa loge. Assurément, elle n'allait pas à Marthe de Breuil, ni à cette pauvre Adèle Lercier, ni à aucun de ces messieurs carapassonnés de noir. Encore enivrée de la musique voluptueuse, elle jouit de se sentir regardée et, nonchalamment, elle se pencha davantage, exposant à la lumière plus crue tout ce que le calice de sa robe de velours noir laissait sortir d'elle, ses épaules nacrées, son cou très fin et la blancheur du sein où retombait le collier de brillants, pareil à des larmes reliées par un fil invisible. Et l'admiration anonyme qu'elle devinait autour d'elle la caressait très délicieusement. Puis, tout à coup, par un revirement brusque, retour de son âme honnête de petite pensionnaire, la griserie musicale dissipée, elle eut honte. Il lui sembla que son attitude manquait de modestie. Elle se jugea coquette, se rejeta en arrière, et d'une ondulation du buste ramena sur ses épaules son léger collet de cygne, comme si elle avait froid. Et en même temps, par un mouvement involontaire, elle se retourna, et derrière les trois plastrons alignés de son mari et de leurs hôtes, elle aperçut, debout, M. Daugier, qui venait d'entrer et dont le regard brillant pesait sur elle. Elle le salua amicalement tandis qu'il s'inclinait, puis elle reporta ses yeux vers la salle. Mais le reste de l'acte, elle garda la fourrure soyeuse sur ses épaules, cependant qu'insoucieuse de la musique, des acteurs et du public, sa pensée errait au hasard des songeries que cette apparition venait de susciter. Tout d'abord, comme la première fois qu'elle avait revu Robert Daugier, 2 mois plus tôt, son souvenir, d'un seul bond, retourna à cette soirée déjà si lointaine, où sur la terrasse de la villa maternelle, au bord de la mer ronronnante, on était assis, couché plutôt sous des fauteuils de campagne, à chercher la fraîcheur de la brise marine et à contempler les splendeurs du ciel d'août. Elles étaient 3 ou 4, toutes jeunes filles, l'aînée avait bien 16 ans, rieuses d'habitude, ce soir sentimentale, et l'on se redisait à mi-voix, en extase, des vers de morceaux choisis qui célébraient la beauté de la lune et du firmament. Si le charme de cette poésie trop connue était évaporé pour un lettré, les jeunes cœurs naïfs le subissaient et vibraient à l'unisson. Et soudain, l'une d'elles s'était écriée « Une étoile filante !» En effet, un somptueux sillon de feu déchirait le ciel depuis la clé de voûte, s'enfonçait dans la mer obscure, et Armande, de sa voix moqueuse nuancée d'un émoi sincère, disait « Faisons des vœux. Le vœu conforme quand paraît une étoile filante est toujours exaucé. » Mi-amusée, mi-sérieuse, Armande, Elzette et Noémie se mirent à forger des souhaits, et des exclamations de joie saluèrent les météores de bon augure. Tout à coup, Noémie interrogea. « Tu ne fais pas de vœux, Gisèle ?»« Non, elle n'en avait pas fait. Que lui fallait-il? N'était-elle pas tout à fait heureuse? Elle secoua la tête, puis elle s'arrêta, souriant à une pensée intérieure. « Eh bien, je vais en faire un, mais je ne vous le dirai pas. » Il se veut, mi-sincère, mi-ironique, fut qu'un jour elle conquit l'amour d'un bel enseigne de vaisseau semblable à celui qui avait joué au tennis avec elle dans l'après-midi. Il s'appelait Robert Daugier. Répétant son souhait en elle-même, Gisèle, à son tour, se mit à scruter les étoiles, cherchant laquelle lui ferait la promesse désirée. Sous le papillotement des cieux, ses yeux clignèrent. Une seconde, elle ferma les paupières. Elle les rouvrit, à une exclamation générale. « Oh, celle-là était la plus belle !» Mais déjà, la mouche de feu disparaissait, s'enfonçait dans la brume noire de l'horizon. À peine Gisèle en avait deviné la dernière lueur. Il était trop tard. Alors, plus ardemment, la jeune fille recommença de fixer la voûte étincelante. De sa déception, un désir réel lui était né que les astres vinssent ratifier sa fantaisie. Mais par un caprice singulier, les étoiles vagabondes avaient suspendu leur cours et de toute la soirée, on n'en vit plus. Et Gisèle alla se coucher un peu mélancolique. Le lendemain soir, on revint encore sur la terrasse et il y eut un véritable feu d'artifice de météores, comme si la voûte entière s'embrasait, offrait du bonheur à qui en voulait. Mais, rancunière, Gisèle ne fit plus de vœux. Il lui parut que ça ne comptait plus ce soir-là. Puis elle ne s'en soucia plus. Et elle avait bien oublié les malices des étoiles, le jour où, après négociation entre leurs parents, elle épousa, quelques années plus tard, le gros héros Jean Bartoli, qui était un beau parti, disait-on, et pour lequel, vraiment, elle n'avait pas de répugnance particulière. Mais ce vieux souvenir, si menu, n'était tout de même pas entièrement aboli, puisque pour le ressusciter, il avait suffi que quelques semaines auparavant, son mari lui ramena à déjeuner Robert Daugier, son ancien camarade, rencontrée par hasard sur le boulevard. Elle avait eu sur elle-même un petit retour très doux et un peu attendri à revoir bruni, viril, allongé, encadré d'une barbe noire taillée en pointe, les yeux ardents, les sourcils épais, ce beau visage qui avait fait battre un instant son petit cœur de jeune fille. C'était d'un geste d'amitié spontanée qu'elle avait tendu la main au visiteur, à la grande joie du gros Jean, qui le reprochait souvent d'accueillir trop cérémonieusement ses camarades de cercle. Elle avait rappelé à Robert qu'ils étaient de vieilles connaissances, sans que peut-être il s'en souvînt. Mais elle ne dit rien de son vœu d'enfant, car elle n'aimait pas plaisanter ses rêves d'autrefois. Depuis ce jour, on avait revu souvent M. Daugier. Dégoûté de la vie inactive d'officier de marine en temps de paix, médiocrement noté à cause de son esprit volontiers frondeur des routines de la vieille marine, définitivement aigri par un refus de mission, peut-être aussi, tout au fond, hanté par ce besoin de tranquillité et de vie familiale qui s'empare si souvent des marins vers leur 35e année, il avait donné sa démission. Sa fortune suffisante lui avait permis de s'installer à Paris et d'y vivre indépendant, et très vite, il était devenu le camarade nécessaire de plusieurs jeunes ménages. On le rencontrait le matin au bois, l'après-midi au patinage ou à quelques 5 o'clock, le soir à dîner, au théâtre ou en soirée. Très actif, ayant besoin d'occuper ses loisirs inaccoutumés, il s'était jeté en affamé dans les plaisirs parisiens, qui avaient pour lui un goût de renouveau, et l'accueil flatteur qu'il recevait partout l'y faisait plus assidu. Ses allures aisées et militaires, ce quelque chose d'héroïque en même temps et d'exotique qui le caractérisait, sa rosette d'officier de la Légion, conquise pour fait d'armes extraordinaires au Tonkin, jusqu'à son parler un peu rauque d'homme d'action, tout faisait de lui un être à part, original, au milieu des cercleux et des cotillonneurs. S'il l'avait voulu, il aurait pu avoir plus d'une bonne fortune. Mais les maris ne le jalousaient pas. C'était une chose établie que Robert jetterait pendant quelques mois son restant de gourme, et puis qu'il se marierait. Lui-même n'y contredisait pas, et il ne protestait que pour la forme, quand on lui demandait des nouvelles de ses épousailles. Aussi, de le tenir ainsi pour un candidat au mariage, les jeunes femmes l'avaient tout de suite traité sur un pied de camaraderie. Il était entendu qu'on n'avait pas à se défier de lui. Les plus réservés pouvaient plaisanter librement avec lui, recevoir ses confidences, lui faire les leurs, s'appuyer plus fort sur son bras. La certitude de n'être pas en danger les rendait plus hardies, plus abandonnées. Et elles se contenaient d'autant moins que, sournoises, elle n'aurait pas été fâchée de voir passer un éclair dans cet œil brun qui devait pouvoir si bien s'enflammer. Gisèle n'avait pas agi différemment des autres. Au bout de peu de jours, M. Daugier était installé dans son intimité, qu'elle nuançait d'une familiarité mi-maternelle, mi-fraternelle, et qui pourtant n'était pas sans coquetterie. Elle le confessait, le conseillait, lui demandait conseil, le grondait quand il se faisait rare, lui marquait sa joie de le voir et de le sentir heureux auprès d'elle. Elle aurait été très surprise, et se serait récrit avec ironie si quelqu'un lui avait dit qu'il était dangereux de traiter ainsi un jeune homme. Elle n'avait pas d'enfant, hélas. Quant à Jean, ce n'était sans doute pas un méchant garçon, mais pouvait-elle concentrer toute sa vie dans ce gros gaillard aux joues rouges, à la mâchoire trop large? Pouvait-elle ignorer que c'était non seulement les courses, l'automobile, tous les snobismes qui le lui enlevaient, mais aussi les coulisses des cafés-concerts, les loges des écuyères et des théâtreuses? Une indulgence mi-affectueuse, mi-dédaigneuse, il ne méritait pas, il ne demandait pas autre chose. Et il était le premier, un peu honteux parfois de ses fredaines, à engager Gisèle à se distraire, à sortir sans lui, à s'amuser avec ses amis des deux sexes. Au surplus, n'était-il pas sûr d'elle? Et ici, son bon sens instinctif et un peu épais ne le trompait pas. Sans doute Gisèle n'avait pas pour se guider une foi religieuse bien ardente, quoiqu'elle allât à la messe. Peut-être même n'avait-elle pas des principes de morale tout à fait orthodoxes. Où les aurait-elle pris? Il fallait bien penser comme son monde, et elle proclamait très haut son indulgence pour les erreurs sentimentales. Mais elle-même, après 6 années de vie conjugale, ne croyait guère à l'amour, et surtout, on la sentait, elle se sentait elle-même incapable d'avoir une intrigue. Non à cause du péché lui-même, elle en faisait bon marché, mais par horreur intime et irrésistible de tromper, de mentir, de commettre quelque chose de laid. Son attitude un peu hautaine, le regard très droit de ses grands yeux bleus, le pli dédaigneux de sa lèvre, suffisait à crier à tous sa droiture foncière d'honnête homme, caution absolue de sa vertu d'honnête femme. On l'appelait l'Hermine à cause de sa froideur à la fois et de sa réserve, avec beaucoup de respect réel et un peu d'ironie affectée. Elle méritait son surnom. Aussi, c'était sans que nul n'y trouve à redire, sans qu'elle-même ou son mari songeassent à en faire la remarque, que les visites de M. Daugier s'étaient peu à peu multipliées. Jamais elle n'avait songé à s'étonner de l'impatience qu'elle éprouvait en l'attendant, de la joie qui l'emplissait à son aspect, du coup d'œil infaillible dont elle l'apercevait dans la cohue d'une soirée, de l'espèce de langueur indéfinissable qu'elle éprouvait après s'être séparée de lui, de la place toujours plus grande qu'absent ou présent il prenait dans sa vie. De jour en jour, elle se faisait pour lui plus accueillante, croyant remarquer en lui une certaine tristesse, émue pour lui d'une tendre pitié. Était-ce une illusion? Il lui semblait qu'à leur dernière rencontre, avant-hier au Thé Haussmann, hier au Palais de Glace, il avait eu quelque chose d'âpre, de saccadé, de contraint qu'elle ne lui connaissait point. Il lui avait décoché quelques mots piquants sur le nombre de ses amis, parce que retenue par une visite, elle était arrivée en retard au rendez-vous. Puis il avait été frondeur, amer et sarcastique, ne parlant que par boutade et pour tout dénigrer. Sous un mauvais prétexte, il était parti précipitamment. Il s'agissait de l'apprivoiser, de lui faire la morale, de le gronder bien doucement, de l'amener à se dégonfler. Avait-il quelque ennui, quelque peine secrète? Peut-être s'agissait-il de ce fameux mariage? Vraiment, n'était-il pas bientôt? Ne ferait-il pas mieux de réfléchir, d'attendre?